Hello. Tu vas bien? Ce bruit de la bouche là. On va faire des bruits ce soir pour cacher la misère du monde, parce que quand même c'est un peu compliqué en hein, sourd. Donc on fait des bruits avec notre bouche et puis peut-être aussi avec les platines et puis avec les MP3. Ouais. Ça va. Impeccable toi. Thibaut. Oh, Stéphane. Ouais, voilà. Je suis trop pressé. La semaine prochaine, c'est le Lille en Short Festival. C'est Pyongyang. Ouais, bah, 5 dodos. Ouais. Et donc, dépend. Dans 5 dodos, là, t'es prêt à tout casser lundi et mardi prochain au CCL. Et donc, ce soir, tu vas nous faire que ça. Principalement. Ouais, bon, d'accord. Et puis, de mon côté, par contre, comme je savais que t'allais ramener plein de trucs par rapport à des concerts qui vont avoir lieu bientôt, moi, je n'annonce pas de concert. Vous aurez qu'à aller regarder sur shpunk.org, hein, on s'en branle. Et puis, voilà, c'est Pyongyang Stereo Cars numéro 393. Oh, 93, hardcore, les bras, c'était fort. Dédié à Gaël qui nous écoute depuis sa retraite en haut des rochers. Exactement. Voilà. Et puis, on va commencer avec une petite douceur belge, Force, qui vont faire The Choice, car vous avez toujours le choix. Et votre choix pour l'instant, c'est d'écouter Campus, Pyongyang Stereokers, oeil. En train de taper sur son ordinateur, là, alors t'avais choses à raconter par rapport à Force? Ah ouais, si c'est dans le studio, il n'y a plus aucun micro et casque qui marcherait. Ouais. Tu sais, il fait comme les trucs de hardcore, là, il se pend comme ça, machin. Ils ont tout cassé au CCL, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais. On m'a dit, son câble, il grésille. J'ai dit, c'est à cause de lui, je crois. Je ne veux pas passer tous les câbles, j'en finis à m'engueuler après. Ouais, mais il râlait pas que son câble grésillait, c'était normal qu'il grésille. Il faisait les choses intentionnellement. Après, le câble, on l'a mis à la poubelle. Hein. Quoi, t'aurais pas pu faire des soudures, enfin c'est quoi ce bordel? Ah, il aurait fallu souder partout dans le câble. Enfin, on aurait eu un truc de 5 cm là, ça aurait été bien. Trop bien. J'ai complètement oublié d'annoncer aussi la présence dans le studio de notre éminence grise, celui qui vérifie tout et qui ne dit quasiment jamais rien. Et vraiment, c'est motus. Parce que sinon, il y aurait des choses à raconter. Hein. Déjà, sur la façon dont on torche cette émission très mal, c'est Manu. Salut Manu. T'as vu ? Faisais des insides ou... La réputation en prendrait un coup. Tu pourrais nous faire l'inside du Loco Loco, là, par exemple. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit le propos là, ce soir. En tout cas, t'étais là-bas, puis t'as bronzé. C'était très bien. Bah oui, en même temps, en pleine Belgique, en plein soleil. C'était que t'allais me dire en plein Espagne, au Pays Basque ou quoi. On va essayer de te faire parler pour l'instant. Il y a Thibaut, j'allais dire Gaël. Tu vois, je te traite de Gaël, c'est affreux. C'est parce que je me suis coupé les cheveux. Coucou Gaël. J'ai des cheveux plus courts que Gaël. C'est pour ça qu'il n'est pas venu ce soir. Ah ouais. Ouais, toi c'est normal, il repousse pas. Bon allez, présente ta truc, là, chez quoi t'en parles? Comme je disais, je vous parlais principalement du Lille en Short, c'est l'info principale, donc du coup j'en parle tout de suite. Le 23, donc lundi, et le 24, donc mardi, au CCL. C'est bien. Ouais, carrément. Ça va être trop cool. Donc il y aura 8 concerts, tout ça. Mais on va en parler un petit peu après. Je vais commencer tout de suite par un truc HS. Un petit morceau du groupe punk rock de Barcelone, Rotura. Issu de leur album Al Otro Lado, sorti en mars 2024. Ils seront là? Ils seront pas là, c'est pour ça que c'est HS. Ouais, mais j'ai dit HS, écoute-moi un peu. Du coup, j'ai choisi le morceau éponyme que je trouve très bien, voilà. Éponyme de l'album. Éponyme, c'est ça. Alors ça veut dire quoi? Bah écoute, j'ai une petite citation si tu veux comprendre un peu l'ambiance du morceau. Des idées déguisées en discours populaire, avec des mensonges digérés confortablement, niant tout ce qui est réel et éliminant ce qui sent la liberté. Il est toujours plus facile de haïr son voisin, il est toujours plus facile d'obéir et de ne pas réfléchir, il est toujours plus facile de baiser son voisin, il est toujours plus facile de croire et de ne pas réfléchir. De l'autre côté, vous nous trouverez toujours. Bam. Rotura. Ah ouais, c'est vrai, c'est fini. Ouais, on aimerait pas, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est beau cette affaire, mais je crois qu'on en a déjà passé, en fait. Bon, ouais, c'est possible. Hein. C'est Pyongyang Psy Rockers numéro 393 que vous écoutez actuellement. Voici le troisième album pour Heavy Lungs, ça s'appelle Caviar. C'est sorti en avril, ouais, je suis en retard. Moi, j'ai des trucs que je traîne depuis au moins 3 mois. J'en profite pour en passer un maximum aujourd'hui, pas forcément tout. En avril 93 Ouais, peut-être. Heavy Lungs feront une tournée à l'automne, mais il n'y a pas, malheureusement pas une date en Belgique, ni même dans le Nord-Pas-de-Calais. Le plus près, c'est Paris. C'est quoi cette putain de manie de se concentrer sur les bleds malfamés? Je vous pose la question. Voilà. Ils pourraient, je sais pas, passer au moins pour Anvers à tourner. Je sais rien, moi, bref. Voici Heavy Lungs, qu'on peut retrouver sur leur Bandcamp, Heavy Lungs Band. .bandcamp.com. Voici Heavy Lungs avec Yes Chef. Ah, ça va, tu arrêtes, tu vas pas commencer, Heavy Lungs. Hey! Moi, je dis, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Mais voilà, c'est beau, hein, Willem Zarbon. Voilà, avec, avec, Stéphane. Oh, non. On a dit, t'as dit que tu le faisais pas. Alors, ça, je tends des pièges, je sais pas pourquoi tu tombes dedans, quand même. Oui. Oui, écoute, c'était bien bon, ça. Est-ce que ça te dirait qu'on reparte, qu'on aille directement au Lilan Short Festival Allons-y. Ouais, carrément. Bah, si on part maintenant, on devrait être arrivé lundi prochain. C'est au CCL, c'est pas si bas que ça. Il y a quoi, il y a 6-7 kilomètres, quoi. 6-7 kilomètres, ouais, je pense qu'on a le temps de faire des petites pauses dans quelques cafés sympas. On y va en bistrot, ouais. C'est bien. On y va en bistrot. Ouais. Vélo bistrot dodo. du coup, ouais, Lilan Short Festival, un petit festival qui s'est créé là, à l'initiative de... un gang de punk autonome, voilà, qui sera au CCL, donc lundi-mardi. Je sais pas si t'as vu l'affiche, mais voilà, c'est toujours un artwork signé Barreto. Je l'ai vu sur le meilleur site d'agenda punk de la création, shpunk.org. Excellent. Donc alors, ça sera 8 groupes dispatchés sur 2 soirs. Une soirée plutôt vénère le lundi avec des groupes Crust, Hardcore, Noise, qui font du bruit, quoi. Ah, mais ouais. Du mardi, et le mardi, c'est plutôt punk mélo, d'esthétique pop-punk, punk rock, voire post-punk, en fait, aussi, carrément. Et je reviendrai sur, du coup, le listing de la groupe, toi, après, mais bon, pour teaser un peu... Tu veux toujours aura... pas donner le listing, Ah non, mais parce que je vais parler de tout le festival, et après, on reviendra sur la Zikwaz. Là, je suis parti pour parler une minute ou deux. Mais voilà. Je t'en prie. Je te laisse. C'est France Inter ici, coup, c'est parti. Alors, du coup, on aura des groupes nord-américains, basses, flamands et des stars locales, bien sûr. Mais bon, jusque-là, vous vous dites, enfin, 2 soirées au CCL, c'est pas non plus un festival. Eh ben si, je permets, car c'est pas tout. On t'accueille dès 19h avec des DJ sets pour l'apéro, avec des sélecteurs mélomanes bien de chez nous. Et c'est aussi ouvert à tous. Donc si t'as du son à faire découvrir, ramène ton disque. Ça se passe en haut du CCL pour profiter de la terrasse, entre guillemets, du début de soirée, du bon temps, ça se rafraîchit, on est bien, et les concerts, ça commence à 21h. En haut du CCL, il y aura également les distros de Lucan Distro, Crash Test, Dirty Slap, Don't Trust the Hype Records et de Louis Pleur. Donc c'est l'occasion aussi de se faire plaisir, d'acheter des deals, des fanzines, et etc. Et pour le public, il y aura aussi une distrib de sandwich en quantité limitée dans la limite des stocks disponibles. Et aussi pour rappel, voilà, le CCL c'est toujours prix libre. Prix libre, c'est pour soutenir les artistes, payer leurs déplacements, leurs frais éventuels, afin que Yel puisse continuer leur tournée. Donc en gros, bah faites comme vous pouvez, mais soyez pas des pinces. Les pièces rousses, bah c'est chiant, donc bon, obligé de les mettre dans le prix libre, quoi. Et du coup, bah prenez du cash parce qu'il y a toujours pas de CB au CCL. Du coup, j'enchaîne avec la prog du lundi. Je vais présenter les deux premiers groupes et puis on s'écoutera une petite plage musicale. Stéphane, c'est important chaud. De s'écouter. Ouais, mais faut pas dire ça, Marcel, il va m'engueuler. Putain, j'espère qu'il écoute pas. Moi, Astor, sinon, il écoute plus, là, il dort, là. Ou il est au bistrot. En tout cas, on va écouter dans pas longtemps deux groupes nord-américains. Donc, ce sera ceux qui finiront la soirée, donc, de lundi. Les Philadelphiens de Fucking Lovers avec le titre Crucifixion of the Masses, titre éponyme de leurs deux titres sortis le 1er mai dernier. C'est un mot que t'aimes bien, ça, éponyme. Bah ouais. Je vais le redire en plus après, je crois. Vas-y. Attends, non, pas tout de suite. Et Total Nada, eux, qui sont des hardcoreux montréalais, et ça sera le titre Machina, car oui, bah c'est de Montréal, mais ça chante quand même espagnol, pourquoi pas. Et c'est extrait de leur album. Qui sont d'origine sud-américaine, je crois, non? Je sais que le groupe est de Montréal, là, je ne sais pas tout. Yo. Et l'album qui est sorti aussi en mai s'appelle Aki A Aura. Let's go. Aura. Oui. Aki I Aura. Ah oh ouais, mais si tu me reprends sur mon espagnol, attends de m'entendre parler finlandais. Hein. Je t'en prie. Putain, j'ai aucun groupe finnois. Ah ouais, je sais bien, tu les as tous passés dans les années 80, et ils disent qu'ils passent plus. Bon, les Fucking Lovers alors. Yes. We'll be right back. Bien. Total nada. Ouais, machina. Machina. Bon, qui veut dire mannequin, comme tout le monde le sait. Ouais, bien sûr, d'accord. Un jour, je passerai Wire. parce qu'ils ont. Ouais. Un truc qui est sorti il y a genre 3 semaines, donc là, je suis pas trop en retard. C'est la démo. Ça y est, j'ai même pu vérifier. Là, ça fait tellement longtemps que je l'ai préparé quand même. C'est la démo de la Spice Tuxas avec un nom pareil. Ils viennent d'un super pays, la Lituanie. Et en plus de ça, leur chanteur, c'est un réfugié biélorusse. Il s'est barré pour pas aller à l'armée, puis pour pas crever sur le front ukrainien. Je pense qu'il a eu raison, le garçon. Puis du coup, bah, il se retrouve. C'est un groupe bilutilanien, bielos. Ouais, c'est ça. Et donc, il se retrouve à chanter des trucs qui sont moitié en. Enfin, non, ouais, moitié en russe, enfin, biélorusse, qui est une forme de russe un peu. Enfin, un patois, quoi, on va dire. Ou alors, peut-être que c'est le russe de Moscou qui est un patois du biélorusse, on sait pas. Et donc, il chante des trucs à moitié biélorusse, à moitié lituanien, à moitié espagnol. Parce qu'il y a plein de moitiés comme ça. C'est mieux d'avoir beaucoup de moitiés. Mmh. Et puis donc bah, voici Las Pistuxas qui va nous parler de ce qui se passe quand on est réfugié dans un autre pays, puis qu'on a le mal de son pays à soi, et puis que malheureusement on peut pas retourner parce que t'as la dictature, parce que t'as la guerre, et puis tout le bordel. C'est Las Pistuxas avec Depresso. Alors. Ah! Oui, mais c'est ça, attends. Et c'est... Non, mais attends, c'est pas tout de suite, là, c'est pas tout de suite, Stéphane. C'était bien, mes pistouxas, là. Eh bah ouais, carrément, ouais. C'était cool. C'était sur Campus en 6,6, et puis on gagne City Rockers numéro 3, 9-3. 3-9-3. Bon, ben, on repart sur la prog du lundi, parce qu'il nous reste encore deux groupes. Il y a un truc que t'as pas dit, pourquoi ça s'appelle Lille en short? Pourquoi ça s'appelle Lille en short? Bah, en fait, j'en sais foutrement rien. Le brainstorming a été plutôt court. Et je peux te dire, ça aurait pu s'appeler aussi CCL ou rien. Donc, ouais, c'est une mention qu'on voit sur pas mal de flyers en ce moment. CCL écoute, il y a des petites surprises qui vont arriver, voilà. Voilà. CCL ou rien. Enfin, bref. Mais oui, on a, y a pas eu beaucoup de longs débats là-dessus, je crois. Mais moi, j'aime bien Lille en short, je trouve que c'est rigolo. Après, t'es pas obligé de venir en short, c'est sûr. Puis ça fait référence à un certain guitariste en short qui n'en met pas dans certains moments précis. Mm-hmm. Parce qu'il en est interdit, tu vois, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être libérer les gens. Bref, on verra bien. En tout cas, on peut quand même venir en short, on va pas se faire jeter. Tu peux quand même venir en short, ouais. Il n'y a pas de réduction, je sais pas. Ouais, il y a réduction, ouais. Les bières à 50 centimes. Alors, ça, faut voir avec Jean-Philippe. Okay. Ça, faut mettre une capuche. Ça, c'est plus moins cher. Je sais pas, bon, bah, oui. Okay. Bon, du coup, ouais, deuxième jour, bah, du coup, comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui nous rejoignent. Bref, premier, oui, premier jour. Ouais. Mais le reste des groupes, donc du 23, donc de lundi pour le Lille en short. On rappelle OCCL. On vient d'écouter du coup Fucking Lovers et Total Nada. Et les deux autres groupes qui complètent le plateau sont les Crust Gantois de Wave of Fear et les Crasher Punk locaux Chlor from Fifth City. Et du coup, bah, on va s'envoyer deux petits titres là, parce que bon, on a quand même, j'ai failli, t'as capté, direct. On va s'envoyer, bah, du coup, Chlor avec le titre Self-Destruction Behavior, extrait de la démo sortie en mars dernier. Et ensuite, le groupe Gantois, I Saw Them Die, de, du coup, Wave of Fear, sur leur album Led to the Slaughter. We'll be right back. pire met je kut kop. Jij hebt geen hoofd, jij hebt een kop, een kut kop. Kom maar binnen, kom maar dichter, kom maar hier met je kut kop. Jij hebt geen hoofd, jij hebt een kop, een kut kop. Ah bah oui, c'était... Ouf. Je ne peux pas vraiment traduire ce que signifie « cut cop » en français. Il paraît que c'est une insulte. En tout cas, ce sont les Belges. Encore des Belges. On en a beaucoup encore ce soir. On a des Belges. Voilà, c'est « honte », ça veut dire « chia ». Et « chia », qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils parlent de « Irène ». C'est le titre... Irène. Ouais, c'est « Irène ». C'est marrant. Voilà. Je parle d'Irune, moi. Et entre parenthèses, cut cop. Peut-être, ça, s'il y a des copains et copines de Vercourtrai, tout ça, qui nous écoutent, peut-être qu'ils peuvent, je sais pas, nous affranchir. En téléphonant, ouais, pendant les plages musicales au 03 62 26 89 18. C'est le téléphone du studio. Pas maintenant, hein, parce que ça va sonner, puis on s'entendra plus. Pour l'instant, vas-y, parle-nous de. On revient au Lille en Chante Festival. Hein. Ouais, monsieur. On arrive au mardi, là, du coup, mardi 24. Là, ça va être un petit peu plus. Un peu plus petit que la programmation croustillante de la veille, mais ça va être très, très bien. On a notamment deux groupes qui nous viennent du Pays Basque. On va commencer par écouter ça. Deux groupes donc d'Iruna ou Pamploune en français. Tu fais des efforts d'accent, c'est bien. J'ai pas fait d'efforts d'accent. Hein. Mais ouais. Si tu l'as vécu comme ça, ça va, c'est cool. Ouais. Et donc deux groupes avec une esthétique un petit peu plus pop-punk, mélo, post-punk, tout ça. Donc un groupe qui s'appelle Borla. Un titre qu'on va écouter, alors c'est là que tu vas te rendre compte que je vais pas faire d'efforts. Ouais, je vais essayer quand même, mais Berandu Enginda, ça veut dire il est tard, voilà, en français c'est ça. Donc c'est sorti sur leur album Espatel, Disdira, tu vois. Je le dis. C'est bien, c'est bien. Et Thatchers, le morceau qu'on écoutera s'appellera Etsaliak Artkutsen, qui parle de saluer les ennemis. Donc c'est un peu, je vais regarder le truc, je suis quand même vérifié les paroles, je me suis dit, bon, quand même, on va vérifier quand même, c'est bizarre ce truc-là. Mais en fait, c'est une façon, en gros, de dire, voilà, les ennemis nous tirent dessus, ils nous prennent des choses, parce qu'on, ce qu'on se prend dans la gueule, on le reforme et on forme une épée, finalement, pour aller leur... C'est bien. Leur rendre. C'est bien, parce qu'après, je vais parler d'un truc qui est un petit peu connexe à ça. Connexion. Eh ouais, t'as connexion. Mais pas au Pays Basque. 93 connexions, Stéphane, c'est l'émission. Ouais, donc, ouais, écoutez, du coup, Borla et Thatchers qui seront à Lille mardi pour le Lille en short au CCL. Bref. Chavarri tu gabe, kaferik ez dago. C'est quand même pas mal cette affaire. Ouais, donc, oui. Désolé pour le blanc au milieu, hein, c'est parce que j'ai mal découpé. Ah, je veux dire le fade in, le fade out là. Oui, c'est cela. Oui. Ah ouais, non, mais c'était vachement bien, moi j'ai adoré. En quelque sorte. Bon, et donc c'était successivement Borla, ensuite Thatchers qu'on pourra retrouver ce mardi prochain au CCL pour la deuxième journée de Lille, enfin deuxième soirée de Lille en short festival. Tout à fait. Qu'est-ce que je joue? Ah bah oui, quand même un truc qui est sorti aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui ouais, 18 juin. Eh oui, l'actualité n'attend pas. Aujourd'hui, 18 juin. la démo de 4 titres de Zevk, je sais pas si ça se dit comme ça. Ça se trouve sur zevk.bandcamp.com. On les avait déjà vus passer au mois de mars. Bah, toujours au même endroit, au Centre culturel libertaire. C'est fait, lourd. Cette cassette sera disponible bientôt, et peut-être même dès maintenant, chez Dirty Slap et A World Divided. Autant vous dire que normalement, lundi et mardi prochain, vous pourrez vous la procurer si vous allez au Lille en Short Festival. Et donc, Zevk, bah, ça vient de Paris, ça s'exprime en turc. Et ici, le titre Neerden Denizé, de la rivière à la mer, où il est question d'un état colonial qui finira par être détruit, nous disent Zevk maintenant. Et juste après, vous aurez 2 minutes 30 de propos très intéressants par une dame qui est dans les feux de l'actualité actuellement. Pour l'instant, voici Zevk, et ensuite un petit bout d'interview, mais je vous dirai après de quoi il retourne pour Zevk. Let's go. La finalité, c'est la paix. Sur ça, on est d'accord. Ah bah oui. Le premier message que j'ai diffusé, moi, après les attaques du 7 octobre, c'était précisément de dire qu'il n'était pas acceptable de se réjouir de la mort de civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, et que ça nous éloignait des perspectives de paix qui doivent nous sauver, non pas nous tuer. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est le chemin pour la paix. Vous pouvez avoir une paix qui reste profondément injuste. Ça a pu exister dans l'histoire. La question, c'est quelle forme de paix vous voulez, quelle forme de paix vous voulez vous battre jusqu'au bout. Et le chemin que moi, pour lequel je me bats, c'est celui d'une libération, une libération collective. C'est pour ça que je porte. On dit souvent qu'on peut pas avoir des opinions divergentes au sein de la France insoumise. C'est faux. Moi, je suis sur la proposition d'un État binational, c'est-à-dire une cohabitation totale, qui va aussi dans le sens de la reconnaissance des Palestiniens pour les mettre à égalité de la reconnaissance des Israéliens. Mais je ne crois pas à la séparation entre les Palestiniens et les Israéliens. Vous ne croyez pas non. à la création d'un État je dirais, autonome à côté d'un non. État israélien non, je crois que... Vous, tout le monde doit... Édouard Saïd et d'autres intellectuels, même israéliens, l'ont dit il y a 30 ans. La logique de deux États, c'est in fine avoir deux apartheids. Mmh. Parce que en Israël, vous avez 20% de la population qui est d'origine palestinienne. Les personnes qui sont en territoire palestinien, qui sont sous le statut de colon, parce que pour le moment, c'est un territoire palestinien colonisé, occupé, elles sont aujourd'hui recensées à hauteur de 1 million. Je veux dire, faut être un tout petit peu pragmatique, réaliste sur le fait que, en fait, la question qui se pose à nous, c'est pas de savoir où est-ce qu'on va placer la frontière entre les Palestiniens et les Israéliens, mais est-ce qu'elle n'existe matériellement plus ? Il y a 1 million d'Israéliens qui sont en territoire palestinien, il y a 20% de la population israélienne qui est d'origine palestinienne, qu'on appelle les Arabes israéliens. La question qui se pose à nous, c'est sous quel statut nous allons pouvoir cohabiter, Israéliens et Palestiniens, en ayant un groupe qui va dominer systématiquement un autre, ou en ayant une parfaite égalité de droits, une liberté d'installation et de circulation pour tout le monde. C'est ça la question qui se pose à ma génération. Même si là on en est. Voilà, vous aurez certainement reconnu la voix de Rima Hassan, qui était interviewée il y a quelques jours au micro de Radio Nova. On peut d'ailleurs retrouver son interview qui fait un peu plus d'une heure sur le YouTube de Radio Nova et Novea. Elle a toujours des choses intéressantes à raconter, cette dame. Et puis, quand on prend le temps de l'écouter et surtout de pas lui couper la chic, et ça, je remercie les gens de Nova, de pas lui couper la chic, on s'aperçoit que ce qu'elle raconte, c'est, ça n'a strictement rien à voir avec les caricatures qui en sont faites dans les médias mainstream. C'était aussi pour illustrer cette histoire de From the River to the Sea, de la rivière à la mer, en turc Neyerden Denizé. C'était le titre de Zevk que vous avez entendu juste avant. À fond. Et vous écoutez Pyongyang Styrokers, numéro 393 sur Campus 106,6. Il nous reste encore 11 minutes 30. 11 minutes 30. Ouais, vas-y, Joe. Bah écoute, c'est cool, on va pouvoir écouter tous les groupes. Il y aura un morceau de tous les groupes de ce Lille en short qui a lieu la semaine prochaine, on le rappelle, au CCL, 4 rue de Colmar, toujours prix libre. Et donc c'est rigolo, il y a deux groupes de gants. Ça fait une paire de groupes de gants, quoi, sur les deux jours. Ouais, c'est pas mal. Oh là là. Ce sera des taxes. C'est pas possible. Des taxes avec leur anarcho-punk et un groupe de Lille pas très très connu. Ils font un peu des débuts, ils ont sorti un album l'année dernière, bon, on avait sorti avant Short Days. Ouais, un peu avant, ouais. Ouais, carrément. Quelques temps avant, ouais, c'est ça. J'ai choisi deux morceaux pour finaliser cette écoute et on espère que on va bien s'éclater. On va bien s'éclater, c'est sûr. Ouais, carrément lundi, mardi là, pop, c'est le week-end, ça va être super. Donc Detax, j'ai choisi le morceau Work issu de leur démo de répète qui était sorti en 2024. Ça sonne bien pour une démo, hein. C'est vraiment très cool, des taxes. Et Short Days Direction Aware, le morceau éponyme de l'album sorti plus tôt en 2024. Comme quoi, tout est lié. T'avais prévenu, hein. Il y a du lien partout. T'avais prévenu, ouais. Let's go, Stéphane. We'll be right back. Ce fade out de fou là quand même, hein. Ouais, short days. J'ai tout dit bien, t'as vu, ah ouais. Ah bon, bien, j'avais quand même prévu de passer de la musique de mode. En plus, je l'avais vendu à quelqu'un qui est ici dans le studio et qui surveille tout. Qui surveille tout. Donc, même les sondages d'opinion. Là, je suis obligé de passer The Chords. C'est un truc qui date de 79 quand même. Hein. Voilà. Non, ça a l'air d'être une pénitence. Hein? Ça a l'air d'être une pénitence. C'est-à-dire je suis obligé de passer. Ouais, non, je suis obligé parce que, en fait, je voulais passer autre chose. Que là, sur les, c'est pas la pénitence, c'est par rapport au temps qui reste. Je vais devoir intercaler un petit truc et je sais pas lequel parce que j'en ai plus. Peut-être que je vais repasser un truc de Total Nada, j'en sais rien. Bref, ah ouais, pour l'instant, The Chords, qu'ils ont fait une pile session en 79 dans laquelle il y avait ce Something's Missing. Attendez-vous à ce que je vous passe encore quelques trucs de... Il me fait des signes. Attendez-vous à ce que dans les semaines qui arrivent, je vous passe encore pas mal de musique dans ce genre-là, parce que, bah, je sais pas, en ce moment, je me suis replongé dans toute cette power pop absolument pétardante. Voici The Chords, Something's Missing. Ouais, c'est le reggae de fin, car c'est la fin de Pyongyang Sea Rockers numéro 393. Ce reggae de fin, c'est World Is par TSOL, sur une idée que m'a soufflé hier notre JJ intergalactique, le seul de passage. Voilà. Donc rendez-vous lundi et mardi prochain au Centre Culturel Libertaire. Olé, là, on c'est elle ou rien. Rendez-vous mercredi prochain pour le numéro 394 de Pyongyang City Rockers. D'ici une minute à peine, vous allez retrouver le Teeth Grinder avec JD, qui va encore nous passer, je sais pas, l'intégrale de TFN, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ensuite, c'est qui déjà? C'est Big Boy Bouillabaisse, bien sûr, qui arrivera à 22h. Et puis ensuite, il y aura plein d'autres bonnes émissions sur Radio Campus sur 6,6. Occupé. T'as vu? Non, il n'y a plus de s'occuper. Tu rigoles, toi. C'est libre, voilà. Alors. On va laisser ces gens chanter, puis on va ne pas oublier de dire. À Cab. Voilà. C'est loin. Allez, au revoir. Bye bye. Pas beaucoup, mais ça, je